بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن الدين النصيحة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكي أذكر نفسي وإخواني بعظم مسؤوليتنا تجاه ذرياتنا، وأن نكون إن شاء الله من النصح لا من الغششة، وأن نشعر إخواننا الشباب بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه أبنائهم وتجاه آبائهم. دونك la discussion continue toujours autour du verset où il est dit: ô vous qui avez cru, préservez-vous du feu de l'enfer, ainsi que votre descendance, ainsi que ceux qui sont sous votre tutelle. Parce que la religion, c'est le conseil. Et pour me rappeler à moi-même, ainsi qu'à mon frère, à mes frères et mes sœurs, l'énorme responsabilité que nous avons, et que nous devons nous acquitter de nos devoirs, et que nous soyons parmi ceux qui se conseillent, non pas ceux qui se trahissent, et que notre jeunesse puisse sentir sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de leurs parents aussi. وقفنا البارحة على أنه لا بد لنا من أن نهيئ وسائل وأمكنة لكي نتعلم نحن وأولادنا، وأن تكون لنا صلة بأهل العلم، وأن نستعمل هذه الوسائل الحديثة من وسائل الاتصالات لكي يكون لنا اتصالات دائمة مع أهل العلم، وتكون كذلك نربط نساءنا وبناتنا وأولادنا مع أهل العلم. Donc nous sommes arrêtés hier, quoi qu'il est de notre devoir de nous donner les moyens et de faire des sacrifices matériels, et de sacrifier notre temps aussi pour faire exister des lieux et pour apprendre notre religion, pour apprendre la langue qui véhicule cette religion, et pour éduquer nos enfants sur la religion, et éduquer nos femmes ainsi que nos sœurs, et pour avoir une relation constante avec les hommes de science dignes du nom, et que nos femmes ainsi que nos filles ainsi que nos enfants aient cette relation constante avec les hommes de science, et que plus d'un homme de science a conseillé le fait d'utiliser tous les moyens de communication maintenant, que ce soit internet ou autre, pour apprendre notre religion. فلا نصغي إلى الشبهات، لا بد أن نرحل من هذه البلاد. يا أخي حتى نرحل يجب واش نبقاو مكتفين دينا ما نديرو والو، ما نقوموش بالواجب ديالنا، ما نصليو، ما نعرفو كي نصليو، ما نعرفو كي نقراو القرآن، ما نعرفو كي نحجو، ما نعرفو كي نصومو، ما نديرو حتى شي حاجة، تنخرجو من هنا. فهذه شبهات شيطانية. Il faut pas qu'on écoute non plus ces ambiguïtés qui nous viennent ديال الوساوس ديال الشيطان. Qu'il faut qu'on parte d'ici. Oui, frère, on a Allah, il faut qu'on émigre d'ici. Mais jusqu'au moment où on puisse le faire, on va rester les mains liées. On ne va pas apprendre comment appliquer, comment accomplir la prière du prophète alayhi salatu wassalam. On ne va pas apprendre comment lire le Coran. On ne va pas apprendre les règles de la langue arabe et maîtriser la langue arabe. On va rester comme ça. Hein? On va rester, perdre notre temps comme ça, alors que ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala va nous en questionner. Parce qu'il y a des personnes maintenant, les hommes de science, ils les appellent ces questions qu'ta'at-toruq. Ils coupent des brigands de la route. Ils coupent, ils disent, ils ramènent des ambiguïtés chez les jeunes, ils disent, ouais, mais tu es obligé de quitter ici, donc n'investis rien. N'investis pas pour les mosquées, n'investis pas pour faire exister un centre ou un lieu où les jeunes puissent apprendre l'arabe et puissent apprendre leur religion, rien, tu fais rien du tout. Ça, c'était des faux calculs. Il y a des personnes qui ont agi ici il y a 10 ans. Maintenant, leurs enfants, ils n'ont rien appris, ils ont pris 10 ans de plus. Ils ont des problèmes avec. Ils n'ont toujours pas quitté la France, ni la Belgique, ni ailleurs. Ils sont toujours là. Et toujours les mêmes ambiguïtés. Ils n'ont même pas pris la leçon comme quoi 10 ans sont passés et que les gamins qu'ils avaient, et qu'ils avaient 10 ans, ils ont 20 ans maintenant. Enfin, il ne faut pas écouter n'importe qui, frère en Allah, Azzawajal. كذلك فلا ينبغي أن نغفل وأن نضيع الوقت فلا بد لنا من سعي إلى الرزق الحلال هذا لا بد منه ولكن لا يدفعنا تكالبنا على الدنيا أن نضيع واجباتنا فالواجبات منوطة بنا ولا بد أن نقوم بها ولن يقوم بها غيرنا فطلب الرزق شيء مطلوب لا بد منه ولا نقول عالة على الآخرين سنو دماء الإعانة من الآخرين لا يجب أن نتخذ الأسباب للبحث عن الرزق الحلال ولكن يجب علينا أن نقوم بواجبنا كذلك تجاهلنا وأولادنا ومن نعول سيفخيرون الله عز وجل il faut pas perdre notre temps et donner nos oreilles à n'importe qui il est évident qu'il est obligatoire pour nous de se donner les moyens et de chercher les moyens licites pour subvenir à nos besoins, le besoin de nos familles et de nos enfants, etc. Il ne faut pas qu'on reste désassisté tout le temps. Hein? Il faut qu'on utilise les moyens pour subvenir à nos besoins dans le halal. Mais il ne faut pas que le fait de chercher notre subsistance nous fasse oublier les obligations de l'âge. C'est aujourd'hui nos devoirs vis-à-vis de notre descendance, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, etc. Lakin, ma'a sa'i wa wara' al halal, يجب علينا أن نصون أنفسنا سنقي أنفسنا من عذاب الله ومن غضب الله وأن نقي أزواجنا وأولادنا وبناتنا خاصة فأنتم تعلمون أيها الإخوة وأيها الآباء أن البنت إذا كبرت في مثل هذه الديار وتربت في مدارس هذه الديار خرجت عن إرادتنا وعن طوعنا فويل لنا إذا أردنا أن نقيمها إذا كبرت فهي من وراك لاسيستونت سوسيال أو من وراك البروكيرور ديال لا ريبوبليك أنت من وراك المشاكل هاد التليفون فير هاد التليفون روج وأنت ما خرج من المشكلة والتجربة أمامكم فأنتم أيها الشباب لا تنتظروا حتى تقعوا فيما وقع فيه الآخرون فالمؤمن فطن يقب لا يلدع المؤمن من جحر مرتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر المؤمن فيه تضرب جوج ضربات نفس التقبة خصو يعتبر ويخذ الدرس ويعتبر ويقوم بالواجب ديالو ويفيق من النعاس دونك لو فات دو شيرشي الرزق الحلال ايت اوبليغاتوار مي اوسي لي اوبليغاتوار دو نو بروتيجي اي دو بروتيجي نو فام انسي كو نو انفون Hein? Et de leur donner l'immunité qui va les protéger et qui va faire qu'ils soient sur les rails et qui va faire d'eux qu'ils vont accomplir leur devoir vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, vis-à-vis de leur religion. Et ils s'occupent aussi de nos filles, surtout les filles. Vous savez tous, si les filles contre les filles sont éduquées dans les écoles occidentales, ils ont cet esprit de libertinage, pas de la liberté, c'est du libertinage. Hein? Et après, ils n'obéissent plus à personne, ni à vous, ni à leurs parents, etc. Et malheur à celui qui veut remettre sa fille sur les rails. après c'est l'assistante sociale, le procureur de la République, le téléphone rouge, le téléphone vert, le téléphone jaune, tu ne sais plus. Il faut prendre le sens de ce qui s'est passé autour de vous. Le croyant ne doit pas se faire piquer deux fois du même trou. Non, Rasoul Salah nous a dit qu'il faut qu'on prenne la leçon. On ne se fait pas piquer deux fois. Hein? Regardez ce qui se passe. Les histoires sont nombreuses. Vous n'avez pas besoin de dessins que je vous rabâche des histoires. لا تحتاجون إلى قصص تعرفون الكثير وربنا أمرنا وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى décrété vous qui avez cru préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre tutelle du feu de l'enfer dont le combustible c'est les gens et la pierre gardés par des anges fermes et forts qui ne font que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Fa kulluna ra' wa kulluna mas'ulun 'an ra'iyatihi, fa la yajibu 'alayna an naghfala 'an mas'uliyatina. Tous nous sommes des bergers, tous nous sommes responsables de notre troupeau. Il ne faut pas que nous soyons insouciants de notre responsabilité et négligeants de cette responsabilité. Fa nasihat al-'ulama ar-rabbaniyin والدعاة الذين ينهجون نهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين لمن ابتلي بالمعيشة في مثل هذه الديار التي نحن فيها أن يرتبطوا بالمساجد وأن يهتموا بالتعليم وبتعليم أولادهم وبناتهم اللغة العربية والقرآن والعقيدة الصحيحة والفقه والحديث والسيرة وتاريخ هذه الأمة هذه وصايا أهل العلم الربانيين أن نرتبط لأن المسجد هو وسيلة لغاية وخاصة في هذه البلاد التربية كم ربى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال ومن نساء فتحوا الدنيا بأسرها ودخلوا إلى قلوب الناس قبل أن يدخلوا أرضهم donc le conseil des hommes de science dignes du nom et ceux qui veulent le bien à ces communautés et les prêcheurs qui sont sur la voie du prophète et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, les conseils qu'il donne pour ceux qui sont éprouvés à vivre dans des pays comme celui dans lequel on vit, c'est qu'ils soient liés avec les mosquées et qu'ils s'occupent à apprendre leur religion et à apprendre cette religion à leurs enfants et à leurs filles et qu'ils leur apprennent la langue arabe, le Coran, l'aqida, l'aqida, les croyances avenantes et authentiques, la jurisprudence, le hadith, la biographie du prophète, de ses nobles compagnons, et l'histoire de cette communauté. فمع الأسف الشديد أبناء الجالية المسلمة عبر أوروبا وأمريكا وحتى الآباء إلا من رحم ربك لا يعرفون شيئا عن نبيهم شيئا صحيحا عن نبيهم يعرفون أشياء وفي الغالب غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العلم رحمهم الله تعالى ولا عن تاريخ أمتهم وعندما تسمعهم يتكلمون عما تعلموه عن تاريخ الإسلام تصعق من الافتراءات التي تسمع والكبار الآن يروجون هذه الأباطل والشبه التي يتلقونها عبر الفضائيات التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا دم ولا شغل لها إلا ترويج الأباطل عن نبي الإسلام وعن صحابة نبي الإسلام رضوان الله عليهم والناس تستمع وإنا لله وإنا إليه راجعون وتروج هذا الكلام فيما بينها ويبقى الإنسان وهو يستمع إلى رجل يسيء الكلام لعمر بن الخطاب ولأبي بكر وأنت تستمع يا أخي الإسلام في بيتك وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنصت لهذا الخبيث يتكلم بهذه الوقاحة وهذا الفحش عن خليفة من خلفاء المسلمين كيف لك هذا أن يتسنى لك أين لا إله إلا الله محمد رسول الله أين حبك لرسول الله ولصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعطي أذنك لهذا الخبيث الذي يطعن في عمر والطعن في عمر طعن في رسول الله لأنه لا يجرأ أن يتكلم عن رسول الله فيتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن هو عمر كان الرسول دائما يقول دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر، كان صاحب رسول الله وأب لزوجة لأم من أمهات المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت في بيتك تنصت إلى هذا الخبيث يسبه ويشتمه ويقول فيه ما ليس بصحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نو لا كوميونيتي مسلمان اون اوروب اي اون امريك بوكو parmi eux ne connaissent rien de la réalité de la communauté musulmane. Même les darons, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ce sainte miséricorde, ils ne connaissent rien de leur prophète alayhi salatu wassalam. S'ils connaissent des choses, ce sont des choses qui sont non avenantes et des mensonges sur le prophète alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. Ils connaissent encore moins des choses sur les imams de cette communauté et les grands imams qui ont marqué l'histoire de cette communauté. Ils ne connaissent rien de l'histoire de cette communauté qui est leur histoire. Et quand tu entends certains parler de ce qu'ils connaissent de l'islam, bah, tu aurais préféré ne rien entendre. Tu reçois un choc du mensonge que tu entends et des choses blâmables qu'ils propagent sur le prophète de l'islam, sur cette communauté, sur les guerriers, hein, ceux qui sont partis sur le sentier de l'Allah pour amener l'islam à travers le monde. Tu entends des choses, tu aurais préféré ne pas les entendre. Et maintenant, certaines personnes qui sont d'un certain âge se propagent des choses qu'ils entendent sur certaines chaînes. Des fois, des chaînes, des paroles, a'oudou billah, des paroles du domaine de la mécréance à l'islam. Et des fois, des personnes restent devant une chaîne et ils entendent les insultes sur Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu wa arda. Pendant une heure, et il est là chez lui. Et il entend. Il te sied à rester dans une assise où on insulte Omar ibn Khattab, où on dit n'importe quoi sur l'un des vizirs du prophète alayhi salatu wassalam et sur le deuxième calife de cette communauté. Comment tu te permets, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où est ton suivi de Muhammad alayhi salam, où est ton amour à Muhammad alayhi salatu wassalam et à ses nobles compagnons, quand pendant une heure tu écoutes ce khabit en train d'insulter Omar ibn Khattab et les mères des croyants. Nous Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège. Parce que la situation est énorme. Arriver à ce degré-là, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce que le fait qu'on dénigre Omar ibn Khattab et qu'on insulte Omar ibn Khattab, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qu'on insulte directement. Alors, ce n'est pas la personne de Omar qu'on veut. Mais comme ils n'y arrivent pas directement à insulter Mohammed alayhi salatu wassalam, ils passent par l'insulte des compagnons, par Abu Bakr Soudir et par Omar et par les autres. Pour savoir ce qui se trame autour de nous. La bouddha al-na'ya ma yadouru hawlana. لا بد أن نعي هذا. ومن هنا لنا نحن الذين نعيش في هذه الديار تأتي نصيحة أهل العلم الربانيين الناصحين لأمتهم على التشمير على الساعدين والاهتمام بإيجاد وتطبيق برامج صحيحة توصلنا إلى هذا المقصد وإيجاد المربين واختيارهم للقيام بهذه المسؤولية العظيمة حتى ولو كلفنا أن نرى أحد الشباب ونأخذه وتتكلف به الأمة وتبعثه إلى مكان يتعلم دين الله ويتفقه في دين الله ويحفظ كتاب الله ويتعلم كيف يدرس كتاب الله وبعدها يأتيك. فهذه من التضحيات الواجبة علينا. لا pour les gens qui vivent en Europe ou aux États-Unis et partout dans les pays qui ne sont pas des pays de l'islam arrivent le conseil des hommes de science dignes du nom de retrousser les manches et d'œuvrer dans le sens de trouver le moyen pour mettre sur place un programme valide et avenant pour arriver au but d'enseigner cette religion à nos enfants et à nos filles et à nos femmes et faire exister ou faire ramener des éducateurs dignes du nom et d'une de la voix de leur plusieurs doit Allah alim pour remplir cette fonction. Même s'il faut qu'on choisisse parmi la communauté un ou deux jeunes et qu'on les envoie, qu'ils apprennent l'arabe, qu'ils apprennent le Coran, qu'ils apprennent les règles d'Al-Tajwid, comment enseigner le Coran, comment enseigner le fiqh, et après on les récupère en tant qu'imam, en tant qu'éducateur dans notre mosquée. C'est notre devoir. Nous devons passer par ce genre de sacrifice. Sinon on a perdu l'amana. Comment on va remplir notre devoir, ikhwat al-islam ? Kayfa yumkinuna an نقوم بواجبنا. كيف؟ بالله عليكم اسألوا أنفسكم، فقدوا الشيء لا يعطيه. واش أنت ما عندك 100 طرو في جيبك تقول أنا بغيت نصدق 100 طرو؟ ما يمكنش، ما عندكش، ما عندكش. ففقدوا الشيء لا يعطيه، اللي ما عندوش شي حاجة ما يمكنش يعطيها. Comment on peut y arriver, frère, en Allah Azza wa Jal? Tu n'as pas 100 euros et tu dis que tu veux faire le monde de 100 euros. Tu ne les as pas. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas une chose, tu ne peux pas la donner. Donc il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on prenne conscience de notre... tout ce que nous sommes. Et encore plus, vous les jeunes. Vous plus encore. Hein? Vous avez une descendance, vous avez des enfants qui sont à bas âge maintenant. Hein? Et vous comprenez. Et vous avez... plus d'ouverture qu'avaient vos parents auparavant. Et plus de moyens. Et vous avez la facilité de l'écriture, de comprendre, etc. Donc vous avez un devoir encore plus grand que les darons. فلا بد من برامج إخوة الإسلام للكبار والصغار والنساء. يأتي الآباء وتأتي الأمهات ويأتي الأبناء لتعلم ما أوجب الله عليهم. ولا بد من الاهتمام بفلذات الأكباد. وهذا أهم من التكالب على الدنيا، أهم من التكالب على الدنيا. وهذا قيام بواجب لا بد منه. Il est obligatoire pour nos frères en Allah Azza wa Jal de créer un programme et d'utiliser un programme qui soit valide pour les grands, pour les petits. Un programme pour les grands, un programme pour les femmes, un programme pour les petits, etc. Et qu'on vienne avec nos enfants et qu'on s'assoie, qu'on apprenne. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, et ce qui est obligatoire pour nous, il est obligatoire de prendre conscience de cette situation et d'utiliser les moyens. C'est une obligation, ce n'est pas quelque chose de surrogatoire. Il faut qu'on s'acquitte de notre devoir, qu'on arrête de courir sans cesse derrière ce bas monde. Le fait d'aller chercher sa subsistance, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne s'endorme pas là-dessus. Et qu'on néglige pas le côté religieux et l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage. Hein? Où est-ce qu'on va? Fanduru ila ayamina. 8 sa'at fi al-amal. 8 sa'at aw akthar fi an-nawm. 8 sa'at qil wa qal. Ou c'est qu'il y a le dar. Imta rabbina ad-drari. Hein? Ash bqa lina? Tulut fi an-na'at. ثلث العمل، ثلث في الوقت، تنقعدوا على الكاس القهوة ربعة سوايع، ملي تيجي الدرس ديال الفقه عند الفقيه ديال الجامع، ها؟ والساعة تجي واعرة، تتفهموا شي حاجة ولا والو؟ ها؟ واش فهمنا شي حاجة؟ ربعة سوايع وحنا قالوا قلنا قالوا ولاد هذا داروا ولاد فلان تا داروا بنات هذا داروا هذا كذا كذا، وحنايا تنخرقوا في نفوسنا وتناكلوا في اللحم ديال خوتنا هما ميتين وما فايقين. ملي تتجي لقيتها ديال الصح ولقيتها ديال قال الله ورسول الله تيجينا النعاس من الساعة تنوليو إوا طول عندنا هذا ما بغا يدخل سوق راسو تيدخل في داكشي اللي ما تيعنيه هذا يا لطيف تولي فينا هذا الكلام هاكو حنا دايرين راح انتوما انا ما تنخفى عليكم وانتوما راه كيفاش راه مصوبين بقلب واحد راه هذاك مسكين بمغرفة واحدة اللي قالوا داروا هذيك القصرية ديال السكسو ودوزوا عليها مغرفة واحدة هذا حنا لا يخفى على أحد وما كاينلاش نغطوا عينينا واش نبقاو تنغطوا عيوننا على عيوبنا راه ما يمكن إمتى غادي نفيقوا بهم إمتى غادي نداووا نفوسنا إمتى غادي نلقاو الحل لهاد العيوب ديالنا باش نحيدوا منهم راه العيب ماشي يكونوا فينا العيوب العيب هو نجهلوا العيوب ديالنا هذا هو العيب وما باش نفيقوا بهم ونحاولوا نبراو منهم هذا راه خير على خير ونعمه من الله باش نفيقوا بالعيوب ديالنا دونك فاون الله عز وجل غادي من طون 24 heures 8 heures au travail 8 heures dodo 8 heures ils ont dit nous avons dit et aller faire les courses de la famille quand est-ce qu'on enseigne la religion à nos enfants quand est-ce qu'on s'installe avec nos enfants et quand on s'assoit frère et tu dis viens on prend un café 4 heures Et après, ça tourne autour de la médisance, de parler sur cela, sur celle-là, sur ça, sur les enfants, etc. et tout, des assises dans lesquelles on est en train de bouffer la chair de nos frères et de nos sœurs morts. À ce point-là, on y arrive. Hein? Et Oula devant le Mefsidion, oula devant ce que tu veux, on reste pendant 4 heures, 3 heures, 5 heures, des fois même plus. Mais quand il s'agit d'un cours de jurisprudence, ou là d'un cours d'une assise de science, etc., au bout d'une demi-heure, nous avons marre. Et il est lent. Quand est-ce qu'il va terminer? Le pauvre imam, s'il fait une khutbah de 3 quarts d'heure, la mosquée va se retourner contre lui. Tu comprends quelque chose? Il est en train de parler qu'Allah, qu'Al Rasoul. Tout le monde se retourne. Ils sont en train de parler sur n'importe quoi. Et de refaire le journal d'El Khatira et d'autres, rien ne se fait. C'est bon, tranquille. Hein? Il faut se réveiller. Il ne faut pas qu'on laisse Shaitan toujours et fait de nous comme la balle de ping-pong. Et on voit n'importe où. Hein? Tac, tac, tac, tac. Hein? Comme il veut. Là, il faut prendre conscience. La situation est dangereuse. Demain, on va être devant Allah. Amr Khatir. غداً سنقف بين يدي الله وهذا وقت إذا مر فلن تجده أبداً إذا مر عليك الشهر هذاك الشهر اللي مر ما عمرك تلقاه غادي يجي شهر أوت العام الجاي ولكن شحال غادي يكون دروك عندك 50 سنة ولكن شهر أوت ديال العام الجاي بتكون عندك 51 تزادك 365 يوم ها إيه ليفيدون peut-être que tu vas vivre le mois d'août l'année prochaine c'est pas la même chose. Ce mois d'août, tu as 30 ans, là tu as 50 ans. Le mois d'août prochain, si tu vis, bah, tu auras un an de plus. 365 jours de plus dans lequel il y a quelque chose qui a été inscrit. Tu as rempli ton devoir durant ces 365, là tu ne l'as pas fait. Fahad sanalit zat alik. Fatasmiya khusostilium kulham siya alik. Ajdatifia. L'khshadda ou l'fadda, l'qlila ou l'ktira. واش خمتي بالواجب ديالك ولا لا راه ماشي راه دابا يجي وقت اخر اي غادي يجي وقت اخر باذن الله ولكن اش تقيد عليا في اللي مشى كيف كي ايتي اكري بور موا دو مون ريجستر دي زاكت نو سكي باسي اخ الاسلام واجب علينا اخوه الاسلام ان نربط اولادنا بديننا وان نهتم بتعليمهم وان نوفر لهم الوسائل لهذا التعليم وان نضحي من اجل ذلك. وبحكم التجربة في فرنسا وبلجيكا كثير من الناس يشتكي أن الأولاد لا يسمعون له وأنهم خرجوا عن طوعه وبعضهم طردته زوجته من البيت فضل يلا حتى وبعضهم أتى القرار من وكيل جمهورية لا نراك تدور حول هذه الباطمة 500 متر ما عندك الحق تكون هنا إذا كنت فيه يجي ويديوك هذا موجود ولكن ما سبب هذا كله سببه عدم الاهتمام بالتربية التربية الصحيحة التربية على الدين التربية على التوحيد التربية على حب الرسول صلى الله عليه وسلم Il est obligatoire pour nos frères en Allah Azzawajal de nous lier et de lier les enfants avec la religion. Et qu'on s'occupe de leur apprentissage. Et qu'on se donne les moyens et qu'on sacrifie pour ceci pour apprendre et pour apprendre à nos enfants. Et qu'on fasse des sacrifices dans ce sens-là. Et par l'expérience que j'ai eue en Belgique et en France en tant qu'imam, beaucoup de gens se plaignent que leurs enfants ne leur obéissent pas. Ne les écoute pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une négligence. Il y a un manque d'éducation qui n'a pas été fait. Il n'y a pas cette éducation. L'éducation n'a pas été faite comme il se doit pour faire aimer Allah à ce jeune. Et pour faire aimer Allah à cette fille. Et pour faire aimer le prophète de cette religion à ses enfants. C'est évident que après la bataille entre les générations et la confrontation entre les deux générations. Il est même, et vous connaissez des exemples, personne à qui le procureur de la République lui a dit, tu ne tournes plus autour du bâtiment où vivent sa femme et ses enfants, 500 mètres, on ne te voit pas là. S'il est vu, il sera en prison. Il faut n'attendre pas que ça arrive la même situation pour nous, Afwan Islam. Hein? Devez, vous les jeunes, prendre encore conscience plus que les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, ce sont vos parents. Donc vous êtes les adultes maintenant. Et vos enfants, et c'est vous. Et c'est vous qui avez le problème maintenant des enfants. Hein, Haytham ? Hein ? C'est vous qui avez le problème des enfants maintenant. Sinon, Omar, Ça y est, ils, leur devra... ça y est, ils l'ont rempli ou là, ils ne l'ont pas rempli. Pour eux, ça y est, c'est terminé. Hein? Ça. وعندما كنت إماما في بعض المنافق هنا في فرنسا كنت دائما أتساءل هذا السؤال كان يطاردني دائما كيف يمكن أن يربى الأولاد على حب الدين وحب الله وحب رسول الله عز وجل والآباء لا يدربونهم ولا يأخذون معهم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن هذا لا يمكن. Moi, quand j'étais imam, souvent je regardais dans les assises, je vois comment les enfants peuvent être éduqués sur l'amour d'Allah et la connaissance d'Allah et la connaissance du prophète et de ses nobles compagnons, alors qu'on n'a pas pris comme moyen de les éduquer, comme on voit pour leur éducation, la voix de Mohammed. Comment on peut y arriver? Fa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam رسم لنا منهجا في تربية الأولاد فقال دربوا أولادكم على الصلاة في 7 وأدبوهم عليها في 10 انظر هذه حالنا لا تخفى عليكم كم من أولادنا في 7 سنوات هم معنا في الصف الفجر أو في غير صلاة الفجر كم 7 سنوات أو 10 سنوات أين هم عندنا خلل ونحن أخللنا بتطبيق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كيفاش بتيجي الخير وتجي الطواعية وتجي الامتثال ويسمعوا الوالدين يسمعوا كذا أفلوا احنا خسرين الأساس ذاك الأساس ما تركبنا عليه. Regardez, frère en Allah, vous qui êtes jeune encore, regardez. Quand je regardais comment on peut arriver à éduquer nos enfants, je regarde dans la mosquée et je dis, le prophète alayhi sallam nous a orienté, nous a donné des directives. Il a dit, apprenez à vos enfants et habituez vos enfants sur la prière à 7 ans. Et commencez à les corriger à l'âge de 10 ans. Tout le monde regarde. En temps normal, je ne parle pas pendant les vacances, en temps normal, regarde dans la mosquée. Combien de gamins ont 7 ans sont avec toi à Salat al-Fajr? Combien ceux qui ont 10 ans, ceux qui ont 12 ans sont avec toi à Salat al-Fajr? C'est un point d'éducation, c'est un point de départ de l'éducation. Et si à la base, déjà, on a des lacunes, ça veut dire à l'arrivée, on va avoir des lacunes. Là, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il est faite pour que celui qui grandit dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam soit complet, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit guidé min Allah azza wa jal. Mais si on a des lacunes à la base, ça veut dire que pendant tout le chemin, il va y avoir des lacunes et des troubles. Donc vous ne devez pas, vous qui êtes jeune père maintenant, et vous qui êtes jeune mère, vous devez prendre en considération ce point. Sabah al-Bakir, je tiens à dire que l'on retourne dans ça, Fatar al-Aba, والأمهات ولا الأخ الكبير يذهب بالولد 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات إلى المدرسة ويقف به في موقف الحافلة والبرد شديد وعندما تكلمه هل صليت معه الفجر؟ هل ذهبت إلى المسجد صليت معه الفجر؟ لا يا أخي الإسلام هذا كثير عليه عندهم تمارين عندهم كذا هل أتيت معه إلى صلاة العشاء؟ عندهم تمارين عندهم كذا فهو حريص على مستقبله هذا لا شك أنه شيء طيب على مستقبل ولكن أنت حريص على أن تكون عنده شهادة فاحرص أن تكون أعماله صالحة وأن يتربى على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من الدنيا وما فيها الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فكيف تريد من ولدك أن يكون في ذمة الله تريد الخير لولدك فدربه وعوضه على الصلاة في الجماعة صلاة الفجر لا بد لنا أن نعي هذا الأمر فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لكي تضبطنا باش تضبطنا وتورينا الطريق ماشي باش نبقاو غير تنقراو لا ما قديناش وانت غادي نقدو هاد ما قديناش ده شي تلعب ديال الشيطان هذا تلعب ديال الشيطان. وقعد من تنخيون الله عز وجل اون طون نورمال بوندون لا بيريود سكولير لاني سكولير tu vois des frères des sœurs prennent leur gamin et les amènent à l'école. Gamin là, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tu arrêtes quelqu'un, tu dis. Ton fils là, ou ta fille, il a fait ça là toute fois, non, c'est trop dur. Juste le temps de l'habiller, qu'il mange un petit peu et qu'on l'emmène à l'école. Tu l'as amené faire salat l'Isha à la mosquée. Non, il a trop de devoirs. C'est trop pour lui. On ne va pas lui imposer aussi tout ça. Je ne vais pas le réveiller à 4 heures du matin pour le fajr. Ça, je fais un Allah Azza wa Jal. Celui qui fait salat al-fajr dans un groupe, il a la sécurité min Allah Azza wa Jal. Il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal, comme l'a dit le messager alayhi salatu wassalam. Hein? Comment veux-tu que ce gamin, tu l'amènes dans un lieu où Shayatin grouille? Parce qu'on n'invoque pas Allah Azza wa Jal dans les écoles laïques. Comment veux-tu qu'il soit protégé? Hein? Réfléchis bien. Il est évident qu'il va attraper plein d'hic, plein de choses, il va lui arriver plein de choses. Hein? Ben, il ne faut pas. Ces ressources-là, nous a orientés, habitués nos enfants à 7 ans sur la prière, c'est qu'ils en sont capables. Que ce soit salat ou fajr ou salat l'Isha, peu importe, c'est qu'ils en sont capables. Et que de les corriger à 10 ans, c'est que, à ce moment-là, là, le petit commence à comprendre. Il faut l'orienter. Mais Andak, corriger, tu le casses en deux. Là, il y a l'islam. Andak. Attention à toi. Jamais tu dois toucher le visage. Ça, c'est interdit dans la religion, aslam. Hein? La correction doit se faire comme il se doit. Hein? Sinon, aussi, ce n'est pas le téléphone vert que tu vas recevoir. C'est peut-être une armée que tu vas avoir sur le dos. Hein? Fais très attention aussi. Parce que la sunna du prophète alayhi sallam ne t'a pas ordonné de lui casser le visage et de le casser en deux. De le corriger. Corriger, c'est... Hein, le visage est interdit dans la religion de l'Allah. Même à une bête. Andak. Même à la bête. Tu es sur le dos d'un âne ou d'un minute, tu n'as pas le droit de le taper sur son visage. Quand il dit le Rasul sallallahu alayhi sallam, « Wa'adibuhum ala ashr » Il n'y a pas de rassurer dans l'eau. حتى الطبيعة ما عندك الحق تضربوا في وجهه ما عندك الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها حتى الحمار ما عندك الحق تضربوا في وجهه بهيمة لك أنت راكب عليها الحمار ولا البغل ولا العود ما عندك الحق تضربوا في وجهه منو هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما كدير ليها هاك وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه البلاد إلا زرقت ليه العوينات ولا ها شاب المشي وطاع الخيضات زرقين وينك ها فلا بد تعرف تكون انت حتى في التربيه ديالك وفي التاديب ديالك ديال الاولاد تكون على السنه لان السنه فيها كل خير فيها كل خير دون ليديكاسيون كونت اون كوريج نو انفون فو كو سوا سور لا سنه دي بروفيت عليه الصلاه والسلام باسكو دون لا سنه الى تو لو بيان اي لو فيت دو ديفيرجي افيك لا سنه محمد عليه الصلاه والسلام وني دون لي كاتاستروف وني دون لي كاتاستروف ف لا ينبغي أن نبقى مكتوف الأيدي حتى نعيش ما عاش من أغفل عن تربية أولاده التربية الصحيحة التي أصلها الكتاب والسنة ومنهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يمتن فهنا الله عز وجل faut prendre conscience de la situation. Vous êtes des jeunes pères, faut prendre en conscience votre situation. Il faut pas être Il ne faut pas être insouciant de l'éducation de vos gamins et de vos enfants. Il faut les éduquer une éducation authentique, dont la source, c'est le livre d'Allah, les orientations de Mohammed a.s. et la voix du puiseur d'Allah a.s. qui sont Mohammed a.s. et les nobles compagnons qui l'ont et ceux qui les suivent à la perfection. « Ou kama yuqal, inna l'insan yahsudu ma yazra. »« Faman jadda wa jadd, wa man zara'a hasad. » L'insan, « mata yahsudu dakshi li zara'a. » واللي اهتم بالامر فيحصد كل خير اللي قام فقد الزرع وزرع وحرث التوكل على الله فياتي الله سبحانه وتعالى الهدايه من الله ولكن عليك بالقيام بالواجب ما يمكنش انت بغيتي الشعير هنا قدام المسجد ديال لاكابيل وما قمتيش في الوقت ديال ديال الزرع وحطتي هذه كربلتي هذه كلار وجبتي لها الغبار وكذا ولحتي أمود اللي تيقولوا الشلوح ومحتي الزريعة اللي تيقولوا العرب ها وقمتي بهذاك الشيء وسقيتي الى ما كاينش الشتاء في هذه البلاد كيفاش غادي ينوض هذا الزرع هذا ما يمكنش فلا بد من تقوم فاذا قمت بالواجب ديالك فالله سبحانه وتعالى اللي جاب الخير فالمهم انت قمتي بالواجب اللي عليك فقط نطلب منك قم بالواجب النتيجه ماشي عليك النتيجه ما ديالك ولا ديالتي النتيجه ديالت الله النتيجه ديالت الله دونك فريغ من الله عز وجل كوم ديز لي زونسيان celui qui plante quelque chose, il va la récolter. Et celui qui fait des efforts comme il se doit, ben il va le trouver. Et celui qui cultive une terre et qui s'en occupe, ben il va récolter ce qu'il a cultivé. Tu ne peux pas vouloir du blé dans le champ qui est en face de la mosquée de la Gabelle alors que tu l'as pas, tu n'en as pas retourné cette terre, tu ne lui as pas mis les engrais qu'il faut. Tu n'as pas jeté les semences qu'il faut, que ce soit le blé ou la lorge ou le maïs, ce que tu veux, et que ça vienne comme ça. Là, l'islam, c'est impossible. Toi, tu utilises les moyens, le résultat, il ne t'appartient pas. Utilise les moyens adéquats et prends la voie qu'il faut. Et le reste, l'accomplissement, c'est min Allah. Hada, il appartient à personne. Il est à Allah, Azzawajal. Hada, faqat ikhwat al-islam. Tadkir. Warbuna yaqul wa dhakir. Fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. فكما نريد لأولادنا الشهادات وأن ينجحوا في هذه الدنيا وأن يكون لهم مستقبل ظاهر فيجب كذلك علينا أن نفكر في دينهم وعقيدتهم ومنهاجهم وإلا ضاعوا وضيعوا وضعنا كذلك معهم وتذكروا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام تذكروا موقف يعقوب عليه الصلاة والسلام من حضرة الموت اش قال لولاده ها ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي ما قال لهم هاك ديروا القسمه ديال الارث لا ما تعبدون من بعدي لان تعرف انه الفلاح ديالهم في عباده الله وحده لا شريك له قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم ها انظر هذا منهج الانبياء ونحن مامورون ان نتخذ منهج الانبياء عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء في آية فقال فبهداهم اقتدي أي يمشي على الطريق ديالهم لأن الله عز وجل ça c'est un rappel et le rappel fait du bien à qui comme il l'a dit Allah عز وجل il fait du bien aux croyants et nous devons se rappeler mutuellement comme le voulons pour nos enfants les diplômes et les hautes sphères de la société et qu'ils soient donc qu'ils aient des beaux postes des bonnes situations etc il faut vouloir pour eux Il faut penser à leur religion. Il faut penser à leur aqida. Il faut penser à leur manhaj, à leur voie. Sinon, ils vont être perdus. Et ils vont perdre aussi. Et ils vont nous perdre avec aussi. Ils vont s'égarer. Et ils vont être négligents. Et nous aussi, on va perdre la face aussi avec. Rappelez-vous ce dua que faisait Ibrahim, alors que c'est l'imam des unificateurs. Et du monothéiste. Ou Allah, évite-moi ainsi qu'à ma descendance d'adorer les statues. Il a peur, pourquoi ? Pour qu'il ne tombe pas, que sa descendance ne tombe pas dans l'adoration des statues, dans l'associationnisme. Rappelez-vous aussi le dua de Yaqub alayhi salatu wa sallam. Yaqub alayhi salatu wa sallam, au moment de sa mort, ses enfants étaient autour de lui. Il leur a dit : Qu'est-ce que vous allez adorer après moi ? Il ne les a pas orientés comment il faut faire le partage de l'héritage. Il leur dit, qu'est-ce que vous allez adorer après moi ? Et ils l'ont rassuré, nous allons adorer ton Seigneur et le Seigneur de tes parents, Ibrahim, Ismaël et ainsi de suite. Ça, c'est la voie des messagers que nous devons prendre. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il a parlé, il a cité plus de 20 prophètes. Et après, à la fin, il a dit aux prophètes, suis-les. Prends-les comme modèles et suis-les. Donc il est obligatoire pour nous de prendre la voie des messagers alayhi salatu wassalam. فلا بد أن نحسن الزراعة إذا أردنا أبناء مطيعين بارين ممتثلين لأوامر ربهم متبعين لسنة نبيهم على نهج وفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين il est obligatoire pour nous de faire bien la semence. Utiliser la semence adéquate si nous voulons des enfants qui sont obéissants, qui sont soumis à Allah Azzawajal et qui suivent les ordres d'Allah et les ordres de son messager alayhi salam selon la voie du plusieurs d'Allah alim qui sont les compagnons ou ceux qui les suivent à la perfection. Wa ihsan fi az-zira'a yabda fi ikhtiyar az-zawja as-saliha. Fi ikhtiyar az-zawja as-saliha. Wa nimchi tqalb lik nta' al-manka. Ha? Walakin idfar bi dhat ad-din taribat yadak. Tirbah. اختيار الزراعة أن تختار الزوجة الصالحة الزوجة ذات الدين. رسول الله تكلم عن النساء كيف ما هي الصفات التي تكون في النساء إذا كانت دومل دو حسب دو نسب ولكن في الأخير ذات الدين تربت يداك ربحت إذا ظفرت بذات الدين. إلى السموس كموس أمومو دي شوى دو لفام فوك تشواجي سل كي هي لغوليجيون سي دي برون سل كي هي لغوليجيون بتتو غانيي t'as tout gagné. Rasoul Salah nous a décrit comment il faut choisir la femme. Il a cité quatre caractéristiques. Celle qui est d'une bonne famille, d'une noble lignée, celle qui a la fortune, hein? La belle, mais il a dit, et celle qui a la religion, si tu prends celle que tu as la religion, tu as réussi. Tu auras la grande réussite. Hein? Souvent, des frères maintenant se bloquent. Non, il n'est pas belle. Les critères de beauté que j'estime, c'est pas la religion, il est là, il a le Coran, il a une partie du Coran, il a. Mais là, carré, prends celle qui a la religion. Sinon, tu vas la regretter. Fala budda yu al ikhwatu anu nashi abna ana ala d-din. Wala natrukahum hakada lil mujtama. In salahu, salahu. Wa in fasadu, fasadu. ثم في الأخير نقول فسد الأولاد، الأولاد لا يسمعون كلامنا، وهذا يحتم علينا بداية التربية من الصغر. هذا لكم أنتم أيها الشباب، أيها الآباء الجدد، هذا أمر لا بد لكم أن تراعوه الآن. من الله عز وجل يفوق نتخو دي سندونس و لفظ غندير دون la religion. Qu'on ne laisse pas la société. S'il devient bon, il devient bon. Et s'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Et après, quand ils deviennent mauvais, on dit, les enfants sont mauvais. Les enfants n'écoutent plus nos conseils. Les enfants ne nous obéissent pas. Là, l'islam, c'est toi qui es négligent. Hein? Il faut commencer l'éducation à bas âge. Et ça, c'est un conseil à vous, les jeunes pères et les jeunes mères. Vous devez vous en occuper maintenant. Parce que maintenant, tant qu'ils sont petits, c'est une pâte à modeler, tu peux faire de lui ce que tu veux. Une fois qu'il a les mêmes épaules que toi, qu'il sait utiliser le téléphone, là tu ne peux plus rien, surtout ici. Donc fais très attention. فلا بد أن نشمل على ساعد جد وإن فاتنا شيء من الوقت تداركناه ولا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر ودعاء الله سبحانه وتعالى والقيام في الليل ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك الدرية. إذا كان إبراهيم يدعو هذا الدعاء فما بالنا نحن؟ من نحن أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام واصطفاه الله وهو خليل الله وهو من أولي العزم من الرسل؟ ما بالنا نحن؟ ونطلب من الله سبحانه أن يوفقنا وييسر لنا من يعيننا في هذه المهمة وأن نضحي بكل ما نملك في هذه المهمة لأن هذا واجب علينا من الواجبات المتحتمة علينا. Non, Allah, il faut qu'on retrousse le manche comme il se doit et prendre conscience que la situation est énorme et très dangereuse. Hein? Même si nous avons perdu un peu de temps, peu importe, il ne faut pas regarder le temps perdu. Regarde ce qu'il y a en face de toi, le moment, et tu peux rattraper le temps. Mais ceci a besoin de nous, une sincérité, et de se tourner, de lever nos mains à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide dans cette tâche qui est difficile, et de faire du dua et de se réveiller des fois la nuit. Et pleurer à Allah Azza wa Jal pour qu'il guide nos enfants, nos filles, et qu'il nous facilite cette tâche de leur éducation, et qu'il nous facilite les moyens pour pouvoir les éduquer, etc. Et qu'il mette sur notre chemin quelqu'un qui peut nous aider à les éduquer, etc. Parce que l'accomplissement, tout revient à Allah Azza wa Jal. Mais il est demandé de nous une sincérité et une orientation vers Allah Azza wa Jal. Et de se diriger, de ne pas oublier. Regardez l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'imam des unificateurs, il fait ce dua. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'il en est de nous? وجب علينا إخوة الإسلام إذا بعثنا أبناءنا للتعليم في المساجد ألا يكون همنا فقط ألا يتجولوا في الشوارع وأن يتركوا أمهم تستريح. فهذه نية فاسدة, هذه نية فاسدة لا يخ الإسلام, بل يجب أن تكون نيتنا أن يتعلموا أمور دينهم وكلام ربهم وأخلاق نبيهم وسنة نبيهم وأن ندعو لهم ولمن يعلمهم, لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم, ادعوني أستجب لكم. Il est de notre devoir, frère, en Allah Azza wa Jal. Quand on voit nos enfants dans, pour l'enseignement dans nos mosquées, dans les, c'est que ça, notre souci ne soit pas tout simplement que notre femme soit reposée le samedi, le dimanche à la maison et le mercredi après-midi. La yakhal islam. Ça, c'est une mauvaise intention. Il faut que notre souci, il faut que nous ayons une IA dans laquelle nous voulons que nos enfants apprennent leur religion, apprennent la parole d'Allah Azza wa Jal, apprennent le comportement de Mohammed alayhi salatu wasalam, la vie de Mohammed alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons, et qu'on leur fasse des du'a, et qu'on fasse du'a à celui qui leur enseigne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété aussi ceci. Demandez-moi, je vous exauce. Faites des du'a, demandez-moi et je vous exauce. ولا بد يا إخوة الإسلام من المراقبة والاهتمام بما يتعلمون في المسجد. فرعون الله عز وجل il faut être vigilant et aussi observer et vérifier ce qu'ils apprennent dans les mosquées. فالله سبحانه وتعالى أن يسللنا ولكم تربية أولادنا ونفقهنا وإياكم في ديننا ونجعلنا من المتابعين المحمد عليه الصلاة والسلام ونجعلنا من المتابعين للصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.